C'est pourquoi je ne puis pas me perdre dans l'exaltation ou la simple définition d'une notion qui m'échappe et perd son sens à partir du moment où elle déborde le cadre de mon expérience individuelle. Je ne puis comprendre ce que peut être une liberté qui me serait donnée par un être supérieur. J'ai perdu le sens de la hiérarchie. Je ne puis avoir de la liberté que la conception du prisonnier ou de l'individu moderne au sein de l'État. La seule que je connaisse, c'est la liberté d'esprit et d'action. Or, si l'absurde annihile toutes mes chances de liberté éternelle, il me rend et exalte au contraire ma liberté d'action. Cette privation d'espoir et d'avenir signifie un accroissement dans la disponibilité de l'homme. Avant de rencontrer l'absurde, l'homme quotidien vit avec des buts, un souci d'avenir ou de justification à l'égard de qui ou de quoi, ça n'est pas la question. Il évalue ses chances. Il compte sur le plus tard, sur sa retraite ou le travail de ses fils. Il croit encore que quelque chose dans sa vie peut se diriger. Au vrai, il agit comme s'il était libre, même si tous les faits se chargent de contredire cette liberté. Après l'absurde, tout se trouve ébranlé. Cette idée que je suis, ma façon d'agir, comme si tout a un sens, même si à l'occasion je disais que rien n'en a, tout cela se trouve démenti d'une façon vertigineuse par l'absurdité d'une mort possible. Penser au lendemain, se fixer un but, avoir des préférences, tout cela suppose la croyance à la liberté, même si l'on s'assure parfois de ne pas la ressentir. Mais à ce moment, cette liberté supérieure, cette liberté d'être, qui seule peut fonder une vérité, je sais bien alors qu'elle n'est pas. La mort est là, comme seule réalité. Après elle, les jeux sont faits. Je suis non plus libre de me perpétuer, mais esclave, et surtout esclave sans espoir de révolution éternelle, sans recours au mépris. Et qui sans révolution et sans mépris peut demeurer esclave? Quelle liberté peut exister au sens plein, sans assurance d'éternité? Mais en même temps, l'homme absurde comprend que jusqu'ici, il était lié à ce postulat de liberté sur l'illusion de quoi il vivait. Dans un certain sens, cela l'entravait. Dans la mesure où il imaginait un but à sa vie, il se conformait aux exigences d'un but à atteindre et devenait esclave de sa liberté. Ainsi, je ne saurais plus agir autrement que, comme le père de famille ou l'ingénieur ou le conducteur de peuple ou le surnuméraire au PTT, que je me prépare à être. Je crois que je puis choisir d'être cela plutôt qu'autre chose. Je le crois inconsciemment, il est vrai. Mais je soutiens en même temps mon postulat des croyances de ceux qui m'entourent, des préjugés de mon milieu humain. Les autres sont si sûrs d'être libres et cette bonne humeur est si contagieuse. Si loin qu'on puisse se tenir de tout préjugé moral ou social, on les subit en partie et même pour les meilleurs d'entre eux, il y a de bons et de mauvais préjugés, on leur conforme sa vie. Ainsi, l'homme absurde comprend qu'il n'était pas réellement libre. Pour parler clair, dans la mesure où j'espère, où je m'inquiète d'une vérité qui me soit propre, d'une façon d'être ou de créer, dans la mesure enfin où j'ordonne ma vie et où je prouve par là que j'admets qu'elle ait un sens, je me crée des barrières entre quoi je resserre ma vie. Je fais comme tant de fonctionnaires de l'esprit et du cœur qui ne m'inspirent que du dégoût et qui ne font pas autre chose, je le vois bien maintenant, que de prendre au sérieux la liberté de l'homme. L'absurde m'éclaire sur ce point. Il n'y a pas de lendemain. Voilà désormais la raison de ma liberté profonde. Je prendrai ici deux comparaisons. Les mystiques, d'abord, trouvent une liberté à se donner, à s'abîmer dans leur Dieu, à consentir à ses règles. Ils deviennent secrètement libres à leur tour. C'est dans l'esclavage spontanément consenti qu'ils retrouvent une indépendance profonde. Mais que signifie cette liberté? On peut dire surtout qu'ils se sentent libres vis-à-vis d'eux-mêmes et moins libres que surtout libérés. De même, tout entier tourné vers la mort, pris ici comme l'absurdité la plus évidente, l'homme absurde se sent dégagé de tout ce qui n'est pas cette attention passionnée qui cristallise en lui. Il goûte une liberté à l'égard des règles communes. On voit ici que les thèmes de départ de la philosophie existentielle gardent toute leur valeur. Le retour à la conscience, l'évasion hors du sommeil quotidien figurent les premières démarches de la liberté absurde. Mais c'est la prédication existentielle qui est visée et avec elle ce saut spirituel qui, dans le fond, échappe à la conscience. De la même façon, c'est ma deuxième comparaison, les esclaves de l'Antiquité ne s'appartenaient pas. Mais ils connaissaient cette liberté qui consiste à ne point se sentir responsable. La mort aussi a des mains patriciennes qui écrasent, mais qui délivrent. S'abîmer dans cette certitude sans fond, se sentir désormais assez étranger à sa propre vie pour l'accroître et la parcourir sans la myopie de l'amant, il y a là le principe d'une libération. Cette indépendance nouvelle est à terme comme toute liberté d'action. Elle ne tire pas de chèque sur l'éternité, mais elle remplace les illusions de la liberté qui toutes s'arrêtaient à la mort. La divine disponibilité du condamné à mort devant qui s'ouvrent les portes de la prison par une certaine petite aube. Cet incroyable désintéressement à l'égard de tout, sauf de la flamme pure de la vie. La mort et l'absurde sont ici, on le sent bien, les principes de la seule liberté raisonnable, celle qu'un cœur humain peut éprouver et vivre. Ceci est une deuxième conséquence. L'homme absurde entrevoit ainsi un univers brûlant et glacé, transparent et limité, où rien n'est possible, mais tout est donné, passé lequel c'est l'effondrement et le néant. Il peut alors décider d'accepter de vivre dans un tel univers et d'en tirer ses forces, son refus d'espérer et le témoignage obstiné d'une vie sans consolation.